Bonjour Anaïs Kia. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce soir à 21h, nous sommes devant France 3 pour regarder Après la guerre, l'impossible oubli, le film de Gabriel Lebeaumin, mais juste après un autre documentaire, celui de Jérôme Prieur, Occuper l'Allemagne 1918-1930. Ce sera à 22h40, toujours sur France 3. Jérôme Prieur part en quête de l'expérience combattante de ses grands-pères. Dans un essai paru en 2018, La moustache du soldat inconnu, il cherchait l'expérience sensible du premier combattant des tranchées. Dans « Occuper l'Allemagne », il part sur les traces de son deuxième aïeul. Mon autre grand-père n'avait été mobilisé qu'en 1919, après l'armistice. Comme il avait appris l'allemand à l'école, il était parti avec l'armée française occuper le pays des vaincus. Cela ne m'étonnait pas. C'était moins redoutable que la guerre des tranchées, qui n'avait laissé que ruines et désastres. Si ce grand-père échappe à l'épreuve des tranchées, il assiste sans le savoir à ce moment fragile d'après-guerre où les vainqueurs et les vaincus tentent de trouver un terrain commun pour éviter de devoir s'en refaire une de guerre. Mais entre 1918 et 1930, l'occupation de la Rhénanie, cette bande frontalière qui longe le Rhin par les armées alliées et au premier chef la France, pérennise la rancœur et l'humiliation de la défaite. Dans les têtes, le chemin du dépôt des armes vers la paix prend son temps. Les esprits sont encore à la guerre. Cette pénétration pacifique est mal supportée par les occupés qui s'indignent de voir les troupes coloniales sur leur territoire. Une rancœur qui sera largement utilisée en 1939 pour remobiliser la culture de guerre allemande par Hitler et ses conseillers. Prévue pour assurer le maintien de l'ordre dans l'attente du traité de paix en discussion à Versailles, l'opération tourne à l'occupation. Une rancune solidement ancrée, un désir de réparation et de vengeance, exprimé par le soldat Gabriel Chevalier. Nous avions l'audace inconsciente de nous présenter en remplaçant avantageux des fiancés et des amants que nous avions tués, collectivement, de nos mains. Carolina était mon butin, ma part de prise sur la nation allemande. En janvier 1920, le traité de Versailles entre en vigueur. Les Allemands portent l'entière responsabilité de la guerre et doivent payer des réparations et le coût de cette occupation. Pour autant, Américains et Britanniques ne souhaitent pas qu'un déséquilibre trop grand s'instaure entre les États d'Europe occidentale et surtout entre la France et l'Allemagne. C'est le grand débat d'après-guerre, faut-il réduire la nation allemande à un état de seconde zone ou favoriser sa reconstruction et entretenir un équilibre géopolitique ? Jérôme Prieur a retrouvé les témoignages de ceux qui ont vécu cet entre-deux, entre la paix et la guerre, et peut-être entre deux guerres. Pour raconter l'occupation de la Rhénanie, les images d'archives sont nombreuses. Les prises de vue des parades de vainqueurs ne manquent pas. Difficile de ne pas y voir les leviers de la fureur à venir de la Seconde Guerre mondiale, mais à ce moment-là, la concorde pouvait sembler possible. On s'était promis que cette grande guerre serait la dernière, et on y croyait. C'est de cela que témoignent les images du cinéma aux armées, mais aussi celles des archives de la planète d'Albert Kahn. Cette victoire militaire tourne à la défaite morale. C'est l'Allemagne, de la République de Weimar, qui remporte cette bataille d'images. Les gouvernements français défendent jusqu'au désespoir, jusqu'au seuil d'un nouveau combat, leur droit aux réparations, à l'appropriation des ressources allemandes, mais le monde aspire à la paix. Après avoir occupé la Ruhr, ses usines, ses mines, ses industries, cette bataille se transforme en cuisant échec. Les Allemands deviennent les victimes de cette occupation aux yeux du monde, comme en témoigne la journaliste Constance Drexel dans une série de reportages. L'impression, écrit-elle, est qu'on se rend compte de l'impossibilité pour les Français de dominer la Ruhr. Car tout indique ici que les Allemands refusent de se laisser écraser et mutiler. Même s'ils doivent se soumettre actuellement à des conditions nettement en leur défaveur. Sous la pression états-unienne, le paiement de la dette de guerre allemande est rééchelonné jusqu'en 1988 pour être finalement abandonné en 1932. La France quitte la Rhénanie, l'heure du désarmement des esprits semble avoir sonné. Mais c'est aussi en Rhénanie que la guerre suivante prend pied quelques années plus tard. Le 7 mars 1936, la Wehrmacht entre sur le Rhin, entre en Rhénanie. L'Allemagne, désormais nazie, reprend la souveraineté perdue sur la zone démilitarisée, symbole du diktat du traité de Versailles, sans réaction internationale. Occuper l'Allemagne de Jérôme Prieur, c'est l'histoire de ces dettes de guerre irréparables et de ce qui sort de l'humiliation et de la colère. Merci beaucoup Anaïs Kien. Donc c'est sur France 3, évidemment en replay. Le replay, c'est pratique.